La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les mauvaises langues disaient de Matisse qu'il ressemblait davantage à un commis voyageur qu'à un artiste d'avant-garde. C'est d'ailleurs toujours de cela qu'on l'accusait, d'être un peintre bourgeois, non révolutionnaire, décoratif, cherchant à plaire. Ce que le temps a finalement démenti, car aujourd'hui, nombreux le considèrent au contraire comme le plus grand peintre du XXe siècle, aux côtés de Picasso. S'il n'a jamais été commis voyageur, donc il a en revanche été clerc de notaire, pas longtemps, seulement le temps de tomber malade et de se faire offrir des couleurs qui lui font découvrir qu'il aime passionnément la peinture, comme nous l'a expliqué l'historienne de l'art Anne Théry au cours de notre émission introductive à retrouver sur franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. Et puis dans notre prochain épisode, nous serons à Beaubourg afin de visiter l'exposition Matisse comme un roman avec sa commissaire Aurélie Verdier. Enfin, pour terminer cette série, Xavier Girard, également historien de l'art, viendra nous parler du sud de Matisse, de même que de ses sculptures et de ses dessins. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour parler de l'œuvre de Matisse, nous passons l'heure qui vient avec Claudine Gramont. Elle a dirigé le dictionnaire Tout Matisse chez Bouquin Lafont, mais elle est également et surtout peut-être la directrice du musée Matisse de Nice. C'est l'autre musée Matisse en France avec celui du Cateau-Cambrésis dans le département natal de l'artiste, le Nord. Mais on peut voir également certaines de ses peintures au Centre Pompidou ou au musée d'art moderne de la ville de Paris, sans évoquer, bien sûr, sans oublier l'Orangerie et bien d'autres musées à l'étranger, en Russie comme aux États-Unis. Bienvenue à tous, voici la Compagnie des œuvres. Pour moi, il n'y a pas deux sortes de choses qui comptent, c'est surtout l'inspiration de l'artiste qui fait le style de l'œuvre. Moi, je me suis trouvé avec le même respect de la nature, la même religieuse émotion, devant des choses tout à fait différentes, des fruits, des fleurs, des paysages, des visages. C'est surtout l'émotion que j'avais devant ces choses-là qui me faisait travailler. Bonjour à vous, Claudine Gramont. Bonjour. Alors avec vous, on va donc parler des grands motifs de l'œuvre du peintre. On ne sait pas forcément par où commencer, il y en a beaucoup, mais s'il fallait trouver un thème fondateur à partir duquel Matisse a mené une réflexion sur la notion de tableau, peut-être faut-il commencer par le motif de la fenêtre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de fenêtres chez Matisse. Il y a beaucoup de fenêtres, oui, j'avais peur qu'on embraye avec les poissons rouges. Pourquoi peur ? Il y a aussi beaucoup de poissons rouges. Oui, il y a aussi beaucoup de poissons rouges. C'est vrai que là, pour le coup, c'est vraiment une appropriation matissienne que celle des poissons rouges. Bon, le thème de la fenêtre, finalement, un thème assez classique, mais que Matisse s'approprie pour en faire un des grands thèmes du XXe siècle à sa manière. Et ça arrive en fait assez tôt dans son œuvre, du moment qu'il se révèle être Matisse. Dès 1897, la fenêtre apparaît. Donc l'irruption de la fenêtre dans l'œuvre de Matisse participe de son devenir lui-même, participe du fait qu'il se trouve en tant que peintre, en tant qu'artiste. Oui, et si on regarde bien les choses, moi je rêverais de faire une exposition sur la fenêtre, sur les fenêtres de Matisse au musée Matisse, ça serait fantastique. Le musée Matisse qui est le plus grand musée Matisse de France, il est à Nice, on peut évidemment aller le voir et vous le diriger. Et regarder par la fenêtre, puisque des fenêtres du musée, nous avons quasiment la même vue que celle qu'avait Matisse dans son atelier du Regina. Donc pourquoi la fenêtre? Parce que tout simplement, pour Matisse, c'est une métaphore de la peinture. Voilà, c'est une manière d'aborder la peinture à travers cette métaphore, et donc tout de suite d'annoncer les choses et de dire voilà, la peinture pour moi, c'est aussi une manière de réfléchir à la peinture. Parce qu'une fenêtre, c'est peut-être une sorte de tableau accroché au mur, un tableau qui est sans cesse en mouvement. Oui, c'est une des premières grandes définitions hein, classiques de la peinture, de dire que, d'affirmer, Alberti, hein, le tableau, c'est une fenêtre ouverte sur le monde. Et dans le cas de Matisse, voilà, ça porte une réflexion qui se transforme. C'est là où c'est intéressant, c'est que c'est une réflexion qui va évoluer des débuts jusqu'à la fin. Donc, si on y prête attention, voilà, cette fenêtre, elle est là, comme un fil directeur, et à chaque fois, elle va dire quelque chose. La plupart du temps, je peux utiliser des exemples, alors on n'a que la voix et pas l'image, mais on les connaît peut-être. Donc ça peut commencer très fort avec le tableau 1905, un des tableaux emblématiques du fauvisme, qui est la fenêtre à Collioure de 1905. Alors il y a la fenêtre, il y a la porte-fenêtre aussi à Collioure. Oui. C'est pas vraiment les mêmes. Alors la fenêtre à Collioure, c'est un tableau qui a fait scandale. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi il a fait scandale? Alors là, on parle du fameux scandale de 1905, la cage aux fauves. Matisse expose là la femme au chapeau, donc le portrait d'Amélie, qui est le scandale du salon d'automne. Mais aussi dans cette petite salle 7 du salon, ses œuvres apparaissent entourées de celles de Derain, de Vlaminck, de ses camarades, des anciens de l'atelier Gustave Moreau. Et il expose cette fenêtre qui est aujourd'hui à la National Gallery de Washington. C'est un petit tableau, mais c'est un tableau incandescent. C'est-à-dire que, alors certes, c'est une fenêtre, mais quand vous êtes face à ce tableau, vous êtes vraiment face à lui. C'est-à-dire que, en fait, il est présent pour lui-même dans l'espace du spectateur. Donc, c'est ce qui renouvelle d'ailleurs profondément la notion de tableau. Alors, est-ce que vous diriez que, à cause de ce tableau, les murs reculent, parce que vous êtes en train de faire en ce moment, Claudine Gramont, ou de présenter plutôt un accrochage nouveau dans votre musée à Nice, que vous avez intitulé « Les murs reculent », c'est une phrase de Matisse, et c'est une phrase qui montre un petit peu la matérialité finalement de la peinture de Matisse, qui est tellement présente qu'on a l'impression que les murs reculent. Est-ce que vous pouvez le dire sans doute un peu mieux que moi? Oui, je trouvais cette citation très intéressante. C'est une citation de Matisse à son gendre Georges Dutuy, qui était lui-même historien de l'art et grand byzantiniste. Cette idée de dire que, en la présence du tableau, les murs reculent, c'est que traditionnellement, donc justement, le tableau, c'est une échappée vers un ailleurs. Quelque chose, vous êtes en face d'un tableau et vous allez, ça raconte quelque chose, une histoire, et donc vous allez vous plonger dans l'œuvre. Là, c'est l'inverse, c'est l'œuvre qui va venir vers vous. C'est ça ce qui se passe. Donc les murs reculent, pourquoi? Parce que le tableau, et surtout l'œuvre fauve, puisqu'on parlait de la fenêtre ouverte à Collioure, l'œuvre fauve, tout d'un coup, si vous voulez, les couleurs sont utilisées de manière très pure, et donc au lieu de représenter quelque chose, elles sont surtout là pour dégager une force, une énergie. Donc ça va être une sorte d'explosion qu'on a appelée le fauvisme. Donc là aussi, on a fait une référence. Le critique Louis Vauxhall a utilisé cette image du fauve pour dire voilà, les couleurs en réalité, elles rugissent. C'est aussi vous pouvez presque les entendre rugir. Et la manière dont vous en parlez, Claudine Gramont, peut faire penser à ce qu'on ressent quand on va visiter une exposition avec plusieurs Rothko dans une seule pièce. Est-ce que il y a quelque chose de commun dans le travail vraiment sur la matière de la peinture entre Matisse et son lointain, très lointain descendant Rothko, qui travaillait aussi quand même sur la vibration de la couleur? Oui. Tout à fait. Et c'est exactement d'ailleurs ce dont on parle dans l'accrochage du musée actuellement, puisqu'on on a créé des conversations, j'aime beaucoup ce terme de conversation, entre Matisse et Maurice Lewis, entre Matisse et Ellsworth Kelly. On n'a pas malheureusement pu avoir d'œuvre de Rothko, puisque c'est une exposition improvisée dans le contexte que nous connaissons. Mais évidemment, Rothko a pensé à Matisse, et il y a pensé aussi dans sa chapelle, puisque Matisse, au terme de sa vie, a fait une chapelle, et qui est d'ailleurs entièrement, la chapelle entièrement fondée, voilà, sur cette couleur, sur la vibration de la couleur, sur l'immatériel. Sur l'immatériel. Sur l'espace cosmique, oui. Est-ce qu'on pourrait utiliser cette expression qui fait souvent référence à Matisse, mais on peut l'utiliser pour les deux peintres, peut-être? Oui. Ah oui, c'est un très beau, c'est un rapprochement que j'adorerais faire dans une salle. Je pense que d'ailleurs Rothko a peint un hommage à Matisse, donc le lien est tout à fait opérant. Et voilà, c'est cette Rothko va utiliser lui aussi le plan coloré dans sa vibration, et on rentre là, voilà, dans un espace cosmique, oui. Donc dans la vibration pure, Matisse parle souvent d'ailleurs de, il utilise le terme de lui aussi de cosmique. Donc c'est là où on rejoint les poissons rouges. Alors pourquoi que viennent faire les poissons rouges tout d'un coup dans la conversation? Oui, la fenêtre, les poissons rouges, parce que les poissons, tout simplement, quand Matisse peint les poissons, c'est certes il peint un bocal de poissons rouges. Mais il peint aussi à travers ce motif, ce thème. Il peint la transparence. Il peint, voilà, cette question de la transparence et de l'opacité. Donc l'eau autour des poissons rouges. Une fenêtre, qu'est-ce que c'est? C'est une transparence. Donc c'est passer à travers. C'est être aussi le bocal. C'est un espace clos, mais c'est un espace clos dans lequel on est totalement englobé. Donc c'est un espace cosmique. Voilà. Et Matisse le répète à plusieurs fois, quand il peint ses intérieurs que nous connaissons très bien, il y a presque toujours une fenêtre, plus ou moins évidente d'ailleurs au premier abord. Mais donc voilà, il dit « je ne fais qu'un avec le paysage ». Alors, parmi les fenêtres qu'on peut voir dans l'œuvre de Matisse, la plupart sont figuratives, mais il y en a aussi qui sont abstraites. La porte-fenêtre à Collioure, c'est différent de la fenêtre à Collioure. Ça, c'est un tableau de 1914 où finalement on ne reconnaît rien. Ce sont des aplats de couleurs. Qu'est-ce qu'il y a comme autre fenêtre? Il y a les fenêtres niçoises qui tout d'un coup là deviennent extrêmement figuratives. Alors parlons de la période niçoise peut-être, parce que on a dit que cette période, la première période niçoise, était peut-être un petit peu paresseuse. Enfin, les critiques de l'époque en tous les cas ont dit cela. Pourquoi finalement a-t-on pu penser à un moment donné que c'était une période paresseuse? Qu'est-ce que ça voulait dire de dire cela? Alors, paresseuse, c'est assez... C'est un mot que je reprends, pas oui, à mon oui. compte, mais c'est un mot que j'ai lu. J'aimais beaucoup la critique, enfin au moins elle est mignonne, même si elle est dure et acerbe, de Cocteau qui disait, à la suite d'une exposition de Matisse en 1924, oui, il avance à reculons comme les petits chats. Certes, il s'était avancé très très loin, justement, pour comprendre les choses, c'est qu'il s'était avancé très très loin entre 1914 et 1917, qui est une période vraiment où il va se confronter sans jamais tout à fait... Il reste toujours à distance de l'abstraction, et c'est la période... Donc c'est une période très très hermétique dans son œuvre. C'est les années dites héroïques. Oui, ou expérimentales. Hein, on a quelques grandes pièces dans les collections françaises qui sont justement montrées dans l'exposition, comme l'intérieur au poisson rouge ou le peintre et son modèle, hein, qui sont des pièces très importantes. Mais la pièce la plus emblématique est pour moi les baigneuses à la rivière, qui sont aujourd'hui à l'Art Institute of Chicago, qui étaient avant dans la collection Paul Guillaume, voilà, qui sont donc parties aux États-Unis. Alors après, à partir de 1917, effectivement, on va rentrer dans une autre formulation, dans une autre approche, dans une période qui pourrait être celle de la détente, qui est donc cette période où Matisse donc s'installe à Nice en 1917, et où il va commencer à peindre des chambres d'hôtel, puisqu'au début il s'installe à l'hôtel. Jusqu'en 21, il est comme ça, un peu nomade, donc on comprend qu'il s'est retiré à Nice, mais qu'il veut pas se fixer. En réalité, quand on les observe bien, ces intérieurs qui sont pris presque toujours selon effectivement une composition assez identique. C'est comme une boîte optique. Donc c'est l'intérieur. Justement, quand on regarde les choses, qu'on met à plat les choses et qu'on regarde ces compositions, voilà, cette boîte optique. Donc c'est l'intérieur de la chambre d'hôtel avec la fenêtre ouverte sur l'extérieur. C'est et toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Exactement. Donc qui est l'objet de variations multiples. Et j'aime beaucoup d'ailleurs cette terminologie anglo-saxonne qui pour dire intérieur, parle de conversation piece. Alors, conversation piece, qu'est-ce que c'est? C'est qu'à l'intérieur de cette composition, en réalité, même si c'est pas son environnement, disons qu'il n'est pas encore là avec ses objets favoris, ça vient un petit peu après, quand il s'installe réellement, et là on rentre dans une autre période, il va faire à l'intérieur de cette chambre d'hôtel faire varier le modèle, la manière dont le modèle est vêtu, telle table, telle fenêtre, voilà. Et après, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a réussi à créer vraiment là quelque chose de totalement matissien qu'on identifie après totalement. Et quand on avait fait il y a quelques 2 ans avec Dominique Paigny cette exposition sur Matisse et le cinéma, on s'est rendu compte que par exemple Jacques Demy dans les Parapluies de Cherbourg utilise le vocabulaire, simplement c'est des petits détails comme ça, mais par exemple le type de mobilier qu'il y a dans la chambre d'hôtel à l'hôtel de la Méditerranée, c'est génial. Enfin, donc un des motifs, c'est donc la fenêtre, on l'a bien compris, on aurait pu aussi parler des grands vitraux de la chapelle de Vence. Après tout, ce sont aussi des fenêtres, mais je voudrais passer au second motif qui est le motif du portrait. L'expression porte dans tout le tableau, n'est-ce pas, les bras, les jambes, tout ça, ce sont des lignes qui agissent comme dans un orchestre, un registre des mouvements de timbres différents. Si bien que si on met des yeux, un nez, une bouche, ça n'a pas grande utilité, au contraire, ça paralyse l'imagination du spectateur et ça l'oblige à voir une personne d'une certaine forme, d'une certaine ressemblance, etc. Tandis que si vous donnez des lignes, des valeurs, des forces, eh bien son esprit part à travers ça et alors l'imagination est délivrée de toute limite. Maintenant, moi, je fais du portrait. Je fais du portrait d'une certaine façon. C'est-à-dire que quand je fais un portrait, d'abord je choisis mon personnage, eh bien je crée une espèce de sympathie entre lui et moi que je représente sur mon portrait, sur mon travail. C'est en somme un mariage sentimental entre deux personnes, deux esprits. Voilà ce que c'est. Le portrait tel que je le comprends, c'est une identification de deux personnages. Et alors il y a un sentiment, une poésie particulière qui vient s'ajouter à la ressemblance de l'individu, et qui n'est pas essentiel au fond. Sur France Culture avec Matisse qui évoquait sa manière de faire des portraits au micro de Georges Charbonnier en 1951. Le portrait, Claudine Gramont, ça ressemble bien à une obsession chez Matisse. Il en a fait énormément. Oui, là aussi, c'est un... En réalité, il va aborder les grands thèmes de la peinture, hein, le nu, la nature morte, le portrait, l'intérieur, le paysage. Donc le portrait, effectivement, jalonne l'œuvre de Matisse. Et là aussi, il va poser sa marque. Quand on pense, par exemple, si ce n'est qu'au premier portrait révolutionnaire de Matisse, enfin révolutionnaire, enfin en tout cas celui qui a eu cet impact au salon d'automne de 1905 au moment du scandale des fauves, donc la femme au chapeau, qui n'est autre qu'un portrait d'Amélie, donc son épouse. Donc là, déjà, il va très très loin. C'est-à-dire qu'il va, dans ce par ce portrait, dire voilà, le portrait, maintenant ce qui importe, c'est plus tellement la question de la ressemblance, c'est la question de l'expression. Mmh. Donc, c'est typique de la pensée moderne, de dire ça. Oui. D'ailleurs, ça posait beaucoup de problèmes parce que, en général, les gens qui lui commandaient un portrait étaient très peu satisfaits du portrait qui leur revenait en retour. Oui, alors après, il y a toute une recherche qui est assez passionnante quand on se plonge dans cette période 1912-1913, la période très bergsonienne, enfin moi que je qualifierais de bergsonienne. Parce qu'à ce moment-là, Matisse fréquente un petit groupe de philosophes, un philosophe d'origine américaine qui s'appelle Matthew Stuart Pritchard, mais aussi justement celui qui deviendra son gendre et qui s'appelle Georges Dutuy, ainsi que les Stein d'ailleurs, Sarah et Michael Stein, qui tous fréquentent le séminaire de Bergson. Matisse n'y va pas lui-même. Il y a un rapport au temps chez Matisse qui est bergsonien. Tout à fait, un rapport au temps qui est éminemment bergsonien, c'est-à-dire la représentation de la durée. C'est quelque chose qui lui importe. La question de justement qui apparaît dans la question du portrait, c'est-à-dire que quand il peint un portrait, il s'agit d'incarner cette personne sur le moment, mais surtout dans tout ce qu'elle a pu être auparavant ou tout ce qu'elle sera après. Donc c'est la personne dans la durée, oui, c'est retrouver sa personnalité qui va accompagner toute la vie de cette personne et qui se retrouve dans ses traits. Oui, d'où parfois la surprise de la personne qui est portraiturée, qui va pouvoir se découvrir sous les traits de sa tante, par exemple. Et puis on a eu aussi, alors là c'est beaucoup plus tard, mais... il y a eu toute une série de portraits que Matisse fait de Paul Léoto. Mmh. Et alors là, Paul Léoto est absolument furieux. Il dit que c'est absolument nul. Alors vous savez, c'est ces portraits qu'on connaît de Matisse, ces portraits au trait des années 40, qui sont comme la série de portraits d'Aragon qu'il fait en 1942. Là, la série des Léoto, c'est la même chose. Donc là, C'est vrai qu'il n'est pas tellement à son avantage, le pauvre Paul Léoto, sur ses dessins. Oui, et on voit comment Paul Léoto a une conception du portrait finalement très classique, où il aurait souhaité être ressemblant et à son avantage. Mais ce n'est pas du tout ce que fait Matisse. Au cours de mon séjour à Grasse, je travaillais à des maquettes pour un ballet qui devait s'appeler Les Présages ensuite, avec Massine. Et Massine était ami de Matisse, puisque, si je me souviens bien, ils avaient travaillé ensemble avec Diaghilev. Comme vous savez, dans le travail de ballet, quelquefois un décorateur reste pendant 8 jours, 10 jours, sans rien faire. Naturellement, j'allais regarder les exercices de danse. Matisse, alors, venait quelquefois me rejoindre, ce qui était extraordinaire. Il venait me rejoindre, regarder les danseuses à l'exercice, et il me disait, vous voyez celle-là? Eh bien, regardez ses mains. Ses mains sont molles. Eh bien, elle ne fera jamais rien. C'est pas aux pieds qu'il faut regarder les danseuses. C'est la terminaison. Enfin, voilà. Il n'y avait pas un moment où son esprit ne travaillait dans le sens visuel. Ça, alors, extraordinaire machine à enregistrer. Étonnante. Alors on est content parce que vous ne connaissiez pas cette archive de André Masson, apparemment Claudine Gramont. Donc on fait découvrir à quel point voilà il admirait l'acuité du regard de Matisse. Je connaissais en réalité la transcription, mais je ne connaissais pas l'oral. Oui. Vous me faites un plaisir immense d'écouter la voix de Masson parlant de Matisse, comme vous faites un plaisir immense d'entendre la voix de Matisse. Je suis toujours émue de l'entendre. Je trouve que ça incarne le personnage tout à fait différemment. Oui. Est-ce qu'on ne doit pas dire que, au fond, c'est la vie profonde des êtres qu'il portraiture qui intéresse Matisse. En fait, il regarde et il transpose immédiatement sa sensibilité en peinture. C'est quelque chose d'assez ténu, mais enfin qui doit vous intéresser beaucoup, Claudine Gramont, j'imagine. Oui, c'est là, c'est très... Il y a quelques grands portraits. Pour moi, un des plus grands, mais un des plus déroutants aussi, est le portrait d'Yvonne Landsberg, qui est à Philadelphie. qui souvent ces grands portraits de la période de 1914 et 1914 sont légèrement fantomatiques. Et le portrait d'Ivan Landsberg, il est entouré d'une sorte de faisceau qui vont rayonner à partir du cœur du personnage. Donc, il dit bien, voilà, cette figure, elle est rayonnante. Elle est aussi énergie. Matisse est intéressé donc à ce moment-là par toutes ces théories à la fois de la quatrième dimension et puis les théories d'Edbater sur tout ce qui est spectral. Donc c'est-à-dire qu'une figure, une personne, elle est médiumnique, entourée d'un spectre. Et c'est ce qu'il peint dans le portrait d'Ivan Landsberg. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que cette histoire de femme qui va éclore, puisqu'il dit voilà, c'est cette jeune femme, Yvonne Landsberg, qui est une jeune femme à l'époque qui doit avoir 17 ans, elle est en train voilà, de s'épanouir. Et c'est quelque chose qu'on retrouve en réalité, cette question de la femme fleur, qu'on retrouve aussi tout à la fin, si on observe la blouse roumaine, qui est aujourd'hui un des chefs-d'œuvre des collections du Musée national d'art moderne. Donc là, c'est la blouse roumaine qui devient la fleur. Et donc la femme, cette femme en métamorphose. Et donc c'est ça aussi, la manière dont il va représenter la vie, le vivant, c'est toujours d'être dans cette métaphore, dans cette métaphore de la germination, par exemple. Et donc la femme est très souvent une femme fleur ou une femme plante. C'est en 1907, je l'ai vu pour la première fois, il habitait alors Quai Saint-Michel, et j'allais le voir très fréquemment. Il a été d'ailleurs d'une gentillesse extrême vis-à-vis du très jeune homme que j'étais. J'avais vu en 1905, au Salon d'automne, la célèbre femme au chapeau qui m'avait beaucoup, beaucoup frappé, et puis j'avais vu tous ces autres tableaux aux indépendants, et au Salon d'automne, et j'aimais beaucoup Matisse, je le mettais très haut. Je le voyais assez régulièrement, et je dois dire que sa conversation était d'un charme et d'une intelligence prodigieuse. Je me faisais attraper à chaque fois que j'allais chez Matisse, parce que je rentrais déjeuner à 2 heures au lieu de rentrer à midi, tellement sa conversation me captivait. D'ailleurs, il pouvait parler de tout, mais enfin, c'était surtout de peinture que nous parlions. Et puis alors, il avait déjà, ça a été lui le premier, contrairement à ce qu'il raconte toutes sortes de niards, il est le premier qui a vraiment eu une collection de culture nègre, car en 1907, il en possédait déjà au moins une vingtaine qui étaient alignées sur une table. Il en parlait aussi avec cette même intelligence. À ce moment-là, vous étiez en pleine aventure du cubisme. Matisse, comment était-il par rapport à eux en tant que peintre ? Vous savez bien, ou vous ne savez peut-être pas, que Matisse a d'abord été violemment hostile au cubisme, enfin à ce que faisait Picasso. Mais après, vous savez bien que Matisse a été très enthousiaste de ce que faisait Picasso, et ça a été même leur amitié vers la fin de la vie de Matisse, est une chose absolument touchante. Picasso, un jour, a emballé dans sa grosse voiture tout ce qu'il avait fait récemment, une quinzaine de tableaux, pour les porter chez Matisse, pour le lui montrer. Et Matisse, de son côté, est allé dessiner, d'après Picasso, au musée Picasso d'Antibes. La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Et cette archive du marchand d'art, Daniel Henri Kahnweiler, c'était le grand marchand de Picasso, Claudine Gramont. Quand on dit Matisse, le mot de Picasso semble surgir immédiatement après. On les compare, on les oppose. Pour quelles raisons finalement ? Est-ce que ce sont, comme je l'ai sous-entendu dans mon introduction, les deux grands peintres du XXe siècle, selon vous ? Il faudrait ajouter Duchamp, peut-être. Mm-hmm. Mais... Le... moins plasticien, quoi. Mais bon. Oui. Mmh. Oui, c'est l'histoire, c'est fait partie du mythe de l'art moderne. Voilà, deux figures qui s'opposent et dont on a souvent construit les parcours en les opposant, puisque voilà, c'est aussi une sorte de figure de style presque. Donc, ça serait c'est. Mais les choses aussi s'incarnent dans la réalité de l'aventure, des parcours. Et il est évident que ces deux artistes vont se côtoyer, s'observer sans arrêt. Et même, j'ai eu la chance, il y a 2 ans, de faire une exposition au musée Matisse à Nice de Matisse et Picasso. Et donc, j'ai eu la chance d'accrocher leurs œuvres côte à côte. Et je peux vous dire que l'expérience que j'en ai retirée, c'est que quoi que ce soit que vous accrochiez de l'un ou de l'autre, la conversation s'opère. Mmh. Donc la preuve est faite. Vous ne pouvez pas, et je pense que l'un et l'autre se sont mutuellement construits, au point que ça serait presque une figure, existerait-il l'un sans l'autre ? Mmh. Est-ce que c'est vrai de caricaturer en disant Picasso c'est plutôt le dessin, Matisse c'est plutôt la couleur ? Non, je pense que c'est beaucoup plus complexe. Oui, c'est plus complexe, oui, mais est-ce qu'il y a un fond de vrai quand même dans ce cliché ? Oui, il y a un fond de vrai, soyons cléments. la couleur... Pour Picasso, la couleur finalement, c'est quelque chose qui vient... C'est secondaire, c'est clairement secondaire, et il va pas faire de recherche de couleurs. Il va faire beaucoup plus de recherche dans le dessin ou dans les matériaux. Pour Matisse, la couleur est primordiale. Mais il n'empêche que certains dessins parfois de Matisse sont presque à confondre avec ceux de Picasso et inversement. Est-ce qu'on peut dire, je reprends le même genre de question, peut-être un petit peu plus précisément, Picasso sémiologue, Matisse phénoménologue? Oui, c'est très juste. Ça, Alors pourquoi? On sait que Picasso, dès le moment cubiste, va travailler sur la question du signe et de l'ambiguïté du signe. Alors que Matisse, ce qui l'intéresse, c'est justement, comme on parlait du portrait, c'est justement cette question phénoménologique de l'apparaître, de l'existence des choses. Donc on n'est pas exactement dans le même registre. Donc ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que la peinture de Matisse ne nous dit rien sur le monde, elle nous englobe dans un environnement, elle travaille sur l'environnement, sur le ressenti qu'on a en tant que regardeur, alors que la peinture de Picasso, étant sémiologique, elle travaille sur le dire, elle parle davantage. Elle est plus... On pourrait se dire, oui, Picasso est plus abstrait que Matisse, mais ni l'un ni l'autre n'ont versé dans l'abstraction. Et ils auraient pu, évidemment. Mais la question de la représentation de l'être au monde est plus fondamentale pour Matisse que pour Picasso. Alors, la question du signe... il y a en ce moment une exposition Picasso poète... au musée Picasso, je ne crois pas qu'on pourrait faire une exposition Matisse poète. Mmh. Ça n'est pas un poète, Picasso. Matisse n'est pas un poète. Il va travailler avec les couleurs de manière poétique, mais pas avec les mots. C'est-à-dire que le discours n'est jamais là. C'est une chose à laquelle Matisse porte beaucoup d'attention. C'est, il dit, hein, l'artiste doit se couper la langue. Mmh. Ce qui parle pour moi, ce sont mes œuvres, et seulement mes œuvres. Le cubisme, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des intuitions cubistes, par exemple, chez Matisse ou, parce qu'au départ, donc, comme le disait Kahnweiler, Matisse n'a pas aimé le cubisme. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Oui, il fait référence certainement à cette histoire de, justement, encore du Salon d'automne, où Matisse, qui fait partie du jury, refuse les œuvres de Braque, et on lui porte même l'invention du terme de cube. Bon, après, les choses sont aussi plus complexes qu'elles ne paraissent. Si on considère, par exemple, l'intérieur aux aubergines de 1911, qui est présenté de manière exceptionnelle dans l'exposition du centre. Ce tableau, qui est un tableau radicalement décoratif, ou qui utilise le décoratif comme une forme de radicalité, dont l'espace est plat, c'est un espace aussi qui répond au cubisme. C'est-à-dire que la complexité de la construction de l'espace dans ce tableau répond directement au cubisme. Donc il y a un dialogue très étroit. Quand Matisse va être d'une manière un peu plus évidente utiliser le vocabulaire cubiste, comme dans La nature morte d'après David de Hem, par exemple, en 1915, je ne trouve pas que ce soit ses meilleurs moments. Mmh. Et puis après, on peut dire un mot sur leur relation personnelle. Je crois qu'à la mort de Matisse en 1954, il y a eu pour Picasso une forme de deuil qu'on trouve d'ailleurs dans sa peinture. Et puis, il paraîtrait que c'est Picasso qu'on a d'abord prévenu en premier, que sa fille, la fille de Matisse, a d'abord prévenu de la mort du peintre. Donc il y a quelque chose sur le plan personnel aussi. Oui, je crois que au bout d'un certain moment, il y a une relation avec le temps, surtout. On voit bien dans les années 40, quand Picasso revient voir très fréquemment, parce qu'il y a la proximité géographique, hein, là, ils sont tous les deux très proches géographiquement. Donc, il est avec Françoise Gillot. Françoise adore Matisse au sens propre. Et donc, ils viennent souvent le voir. Et il y a le livre de Françoise Gillot raconte ces scènes merveilleusement, je trouve. On est très proche, voilà, des artistes. Françoise Gillot, qui était l'une des femmes, enfin l'une des amantes amoureuses de Picasso. Oui, à ce moment-là. Et oui, il y a des tas de petites ruses, il y a des tas de petites histoires très croustillantes à ce moment-là. Mais il est évident qu'une fois que Matisse est parti en 54, donc oui, la fille de Matisse appelle Picasso, qui refuse d'ailleurs de venir à l'enterrement, mais il n'assiste jamais à un enterrement. Il est très superstitieux et la mort, elle ne veut pas. Voilà, il peut pas être présent. Par exemple, une des premières fois qu'il est venu, je faisais à ce moment-là des tableaux qui, sans être d'un surréalisme très caractéristique, je dirais, représentaient quand même une sorte de liberté, n'est-ce pas ? Je partais de grandes nappes de couleurs, et c'est au moment où ces nappes, pour moi, devenaient insuffisantes que j'ajoutais des lignes et peu à peu arrivait le thème. C'est cela, alors, justement, qui est intéressant, je crois, à dire, c'est que Matisse m'ayant demandé comment je commençais, je lui dis, eh bien voilà, je procède de cette façon-là. Alors le tableau, à la fin, je lui donne un titre, c'est un massacre, c'est une poursuite, généralement c'était des thèmes, n'est-ce pas, des thèmes très généraux. Et il me dit, eh bien, c'est curieux. Moi, je procède exactement de la manière contraire. Je mets un bouquet sur la table. Je voudrais que le tableau, une fois terminé, le tableau que j'ai fait d'après ce bouquet, il disait même d'après ce bouquet, qu'un jardinier puisse reconnaître toutes les variétés de fleurs, les nommer. Mais je ne sais pas ce qui se passe en route. Ça devient des jeunes filles qui dansent, etc. Enfin, il montrait là merveilleusement le moment où la poésie fait précipité chimique, n'est-ce pas ? Et alors, il ajoutait, c'est, au fond, c'est la même chose. C'est le contraire, mais c'est la même chose. André Masson, peintre surréaliste qui évoquait Matisse et sa peinture. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a des liens entre les surréalistes et Matisse? Parce qu'a priori, les surréalistes détestent Matisse. Mais en même temps, Matisse aimait beaucoup Aragon, qui était un écrivain surréaliste. Alors vous avez, Claudine Gramont, consacré une entrée de votre dictionnaire Tout Matisse à cette question du surréalisme en lien avec Matisse. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet ? Il y a différents moments du surréalisme, et dans les années 30, il est évident que Matisse représente une figure dont les surréalistes veulent absolument se détacher. C'est l'homme à abattre un peu ? Oui, c'est l'homme à abattre. Et puis après, il y a un retournement, si on observe bien les choses. Il y a un retournement qui doit s'opérer, à mon avis, avec les publications de textes. Après l'exposition de 31, Matisse est souvent représenté dans les cahiers d'art, en même temps que donc la revue de Zervos, hein, en même temps que Picasso. Et puis il y a un grand texte de Zervos, Automatisme et espace illusoire. Et puis il y a voilà, il y a aussi la revue de Thériade, Verve. Il y a toute cette histoire qui se met en place pour arriver dans la période des années 40 et juste après guerre. Et là. Donc on a Aragon qui vient voir Matisse parce que Aragon est à Nice à ce moment-là. Il lui demande d'illustrer un des textes qu'il a remis à Poésie 42. Donc il y a la revue des poètes casqués de l'époque, à l'époque. Donc une revue de résistance. Et puis après il y a les visites répétées. D'André Breton. Mais alors, on peut se demander, puisqu'on sait que le surréalisme a à voir avec l'inconscient, est-ce qu'il y a de l'inconscient dans les peintures de Matisse ? Eh oui, c'est là où on retrouve, voilà ce que disait Masson, c'est très intéressant justement cette question-là, la question de l'automatisme et de l'inconscient. Effectivement, la méthode de Matisse, en fait, Matisse a mis en place une méthode de l'inconscient, c'est-à-dire comment, à travers ma pratique artistique, et en particulier ma pratique du dessin, je vais arriver à rejoindre mon inconscient, à descendre vers l'inconscient, vous savez, c'est là où on rejoint Bergson, on descend. Dans les strates, donc c'est presque une vision géographique de l'esprit. Donc on va descendre dans l'âme jusqu'aux profondeurs de l'inconscient. Et c'est pour ça que la rencontre entre Masson et Matisse, qui est aussi une rencontre à laquelle on ne pense pas forcément au premier abord, se passe bien, parce qu'il y a cette question derrière de l'automatisme. Comment arriver à un dessin quasi automatique ? Dans le cas de Matisse, c'est souvent par le biais de la répétition du même tracé, c'est-à-dire que voilà, les variations, ce qu'il appelle la variation. Alors on le voit assez bien dans le film de François Campeau qui date de 1946, où il y a un ralenti très, très fort, où on voit donc Matisse qui hésite comme ça, qui tourne avec son pinceau, qui monte un peu, qui descend sur un visage, ce qui va devenir un visage, et puis tout d'un coup il se décide, hop, et puis il dessine un œil, un nez, une bouche. Ça paraît presque être de l'ordre de l'inconscient, parce qu'on se demande vraiment ce qu'il fait à tourner d'une manière presque chamanique comme ça avec son pinceau, et tout d'un coup il attaque. Ouais, c'est une très très belle image qu'on avait à nouveau, je reparle de cette exposition Cinématisse qu'on avait montrée, qui est une image, en fait, ce film de Campeau et cette séquence en particulier a été commentée à de nombreuses reprises. C'est un moment très important dans l'histoire du film sur l'art, et qui a été notamment commenté par Merleau-Ponty, ce qui ne vous étonne pas, je suppose. Et donc, on a l'impression, mais Matisse lui-même, quand il voit cette séquence du ralenti, il en est mais subjugué, littéralement subjugué. Il dit je suis déculotté. Je suis déculotté par la caméra. Pour lui, il se rend pas compte. Le ralenti permet justement d'entrer dans une autre dimension de la durée, et de saisir ce moment, qui n'est pas un moment d'hésitation. Et ce thème de la danse, je reviens encore sur ce point, ne vous avait-il pas été suggéré par la forme même du plafond que vous employez, par la nécessité de couvrir, plus exactement par la nécessité de présenter des personnages debout et d'autres accroupis, de façon à utiliser toute la surface dont vous disposiez? Il a surtout fallu que je donne, dans un espace limité, l'idée de l'immensité. C'est pourquoi j'ai mis mes personnages ne sont pas toujours entiers. Il y en a la moitié qui est dehors, qui est au-dessus. N'est-ce pas ? Par exemple, si j'ai peut-être 3 mètres de haut de surface, j'ai fait des personnages qui demanderaient à avoir 6 mètres de fond, pas 6 mètres de fond, mais enfin qui sont de 6 mètres. Alors j'en donne un fragment et le spectateur, j'entraîne l'esprit du spectateur par le rythme, je l'entraîne à poursuivre le mouvement de la fraction qu'il voit, de façon à ce qu'il ait le sentiment de la totalité. Entretien toujours avec Georges Charbonnier en 1951 au sujet cette fois de la danse. Alors la danse c'est évidemment un très très grand tableau extrêmement célèbre, une série même de tableaux. Est-ce que vous diriez que Matisse a réussi à faire danser la peinture ? Oui, c'est une façon. C'est la danse en fait. Dans cet entretien avec Georges Charbonnier, il commence comme ça. Il dit j'aime la danse. Il dit je suis bien dans la danse. Donc on comprend que quand il peint la première fois la danse, qu'est-ce qui importe en réalité ? Il dit la source première de l'inspiration, ça a été la farandole au moulin de la galette. Mm-hmm. Donc c'est l'idée d'être porté. Voilà. Et il dit voilà, le spectateur lui-même est porté par ce rythme. Mm-hmm. Donc l'idée que la peinture puisse donner un rythme comme la musique finalement. Alors la musique justement, c'est important pour Matisse ? Fondamental. Lui-même a pratiqué le violon et bon, la métaphore musicale, alors là il y en a beaucoup. Et évidemment quand on parle de la danse, on parle de la musique. En fait, la première grande danse de 1910, le grand tableau, en fait c'est une paire qui va avec la musique. Donc il n'y a pas de danse sans musique. C'est-à-dire que j'imagine quand Matisse pense la danse, il pense musique aussi. Toujours de manière musicale, c'est une représentation musicale, c'est la question de l'arabesque. Mmh. On n'a pas encore évoqué dans cette série, et pourtant je pense que les auditeurs ont souvent en tête ces grandes toiles quand ils pensent à Matisse, ils ou elles pensent à Matisse, ce sont les toiles des papiers découpés. Comment Matisse en vient-il finalement à tailler à même la couleur, c'est-à-dire à sculpter finalement avec des ciseaux? Enfin, c'est pas une sculpture parce que c'est en deux dimensions. Si, c'est une sculpture quand même. Ah oui, oui. Oui, c'est une sculpture, oui. Donc il sculpte dans le bleu, dans le rose, dans le vert. C'est l'idée. Vous savez, la sculpture, il y a deux façons de sculpter. Soit en modèle, soit en taille dans le marbre. On fait une taille directe. Là, c'est une taille directe avec les ciseaux dans la couleur. Tout simplement. Si vous voyez, c'est-à-dire qu'il part, en fait, on ne se rend pas forcément compte de la chose, mais il part d'une grande feuille qui est déjà colorée. C'est pas une forme qui va colorer. C'est une grande feuille rectangulaire dans laquelle il découpe. Une grande feuille rectangulaire colorée d'une seule couleur, gouachée, et dans laquelle il taille. Alors, voilà, la gouache découpée, c'est ça. Comment vient-il à faire cela et qu'est-ce qu'il cherche par ce procédé ? Alors, c'est là tout le génie de Matisse. Au départ, c'est une contrainte, c'est-à-dire que c'est un procédé d'artiste hein, qu'il utilise pour faire justement des grandes dimensions, donc le travail justement de la danse de Barnes qu'il va. Et donc pour faire sa maquette, ses maquettes, il va les faire avec des sortes de patrons en papier. Ah oui, donc c'est un peu par hasard finalement qu'il découvre cette méthode. Ça se développe comme ça, et puis après, ça existe, la technique va devenir, elle va exister par elle-même. Et c'est une technique aussi qu'il utilise au départ pour concevoir des livres, des maquettes de livres, ouais. De décoration de livres, de couvertures. Et puis après, ça devient une technique créatrice, voilà. Et avec laquelle... il va complètement, à travers laquelle, il va complètement renouveler son art à partir de 1945 et jusqu'à la fin en 54. Donc on a ce vieil homme, qui est quand même voilà, très âgé, il a plus de 80 ans, qui est fatigué et surtout qui a été opéré après son opération de 42. Anne Théry vous l'a raconté hier. Il peut presque plus bouger, il est lourd. Et cette technique est une technique au contraire très légère, qui va avec laquelle il va couvrir de très grands formats. Revenons une dernière fois à Aragon, on en reparlera demain évidemment, mais avec cette fois la question des objets. Il y a toute une série de coupes, de verres, de petits vases, de pots d'étain, mais c'est en ces objets en effet... se trouve dans presque toute la vie de Matisse. Certains se trouvent dans des tableaux de 1910. Il peignait encore avec en 1945-46. Ce sont, comme il disait, comme je le répète, ses bons serviteurs. Oui, il y a... Il y avait, par rapport à eux, une attitude analogue à celle qu'il avait par rapport à une femme, à un modèle femme. Il parle presque de la même façon d'une femme qu'il a rencontrée pendant son voyage dans les Antilles et une étoffe qu'il a vue d'une voiture dans laquelle il passait chez un antiquaire et qu'il est descendu précipitamment pour acheter. Ça lui semblait devoir entrer dans cette espèce d'immense harem d'un genre bien singulier. Une archive quand même assez extraordinaire de Louis Aragon qui se confiait en 1971 à Jean Rista. Il y a donc un rapport presque fétichiste au fond de Matisse par rapport à l'objet. Vous diriez ça ? Non, affectif, oui. L'objet vecteur de mémoire, il y a toute une cour d'objets, oui, Aragon parle de la palette d'objets, je trouve ça c'est mon terme, ouais, c'est l'objet déclencheur de l'émotion. Donc il a besoin de cette petite étincelle, cette rencontre avec l'objet pour démarrer, pour faire circuler justement et arriver à revenir à une émotion. Mais l'objet, si c'est, comme Aragon le sous-entendait dans l'archive, une femme, alors là, c'est vraiment objectiver une personne que de faire ça. Oui, ou l'inverse, c'est-à-dire, il parle, on n'a pas entendu, l'objet qu'il achète quand il descend de sa voiture, c'est le fauteuil rocaille. Il tombe amoureux du fauteuil rocaille. Enfin, il y a toute une lettre où il s'en explique à Aragon. Et ce fauteuil rocaille, il en fait un tableau qui est au musée Matisse à Nice. Nous sommes en 46, il en fait un tableau qui n'est pas du tout une nature morte. C'est le portrait du fauteuil comme une femme, effectivement. Donc elle devient, c'est une sorte de... D'ailleurs, Picasso en est effrayé. Il la compare à une ogresse, hein, donc une sorte de... C'est comme une conque qui s'ouvre et qui va dévorer le spectateur. Donc c'est le portrait de quoi alors ? C'est le portrait des personnes, des femmes éventuellement qui ont pu s'asseoir, qui pourraient un jour s'asseoir, dont il aimerait qu'il s'assoie, ou c'est vraiment le portrait bergsonien, comme vous le disiez tout à l'heure, de toutes les étapes possibles de la vie de ce fauteuil ? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire selon vous ? Je crois que là, dans le fauteuil, on est le fauteuil est le support, voilà, c'est ça, le point de départ, c'est l'objet qui est le point de départ, mais qu'après ça part dans un délire d'arabesque et de ligne, parce que c'est rocaille, donc c'est un fauteuil rococo. Donc ce qui l'intéresse, c'est pas du tout l'objet, sa valeur matérielle. Il a une grande collection d'objets, hein, mais ce qui l'intéresse, c'est la ligne que ça va supposer aussi. Donc là, on est tout en courbe, évidemment. Quand il fait poser un modèle dans ce fauteuil, il y a évidemment toute une résonance entre les courbes du modèle et les courbes du fauteuil. Mais vous-même, quand vous voyez le fauteuil, vous pensez à une femme, obligatoirement. Oui. Alors, pour terminer, parlons d'un dernier objet qui est l'objet livre. Est-ce que pour Matisse, avoir des photographies de ses œuvres dans des livres, à une époque où il y avait quand même surtout du noir et blanc, c'était quelque chose qu'il aimait ? Qu'est-ce qu'il pensait de la reproductibilité de son œuvre ? Alors là, c'est une bonne question que j'espère avoir pu réussir à traiter dans le catalogue de l'exposition, Matisse roman, comme un roman. Donc la question du reproductible, il y pense assez tôt. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Et il va très tôt penser à la reproduction couleur. Les premières reproductions couleur dans des catalogues, ça arrive très tôt, mais de manière, si vous voulez, très courante, c'est surtout après la guerre après la Seconde Guerre mondiale. Et là, quand on pense à la blouse roumaine ou à ces tableaux qui sont peints avec des aplats de couleurs, ils sont peints de manière, je pense que Matisse a pensé la reproduction. C'est-à-dire que lui-même a une très grande exigence vis-à-vis de cela. C'est-à-dire que quand une œuvre est reproduite dans un catalogue ou même un dessin, il va toujours vérifier par exemple l'aplomb. C'est-à-dire qu'il met une petite croix en bas du dessin pour être bien sûr que la verticale a été renseignée. Alors c'est peut-être aussi un point commun avec Picasso que Matisse avait une très grande attention finalement à ce qu'on allait penser de son œuvre et à la manière dont elle était diffusée ici et là. Merci beaucoup Claudine Gramont d'être venue nous parler aujourd'hui de l'œuvre de Matisse. Pour aller plus loin, on peut évidemment se rendre à Nice, visiter le musée que vous dirigez. On peut également se procurer votre dictionnaire Tout Matisse publié par Robert Laffont dans la collection Bouquins. Tout de suite, c'est en compagnie des revues. Merci. Avec aujourd'hui Étienne de Montetti, directeur du Figaro littéraire. Bonjour à vous Étienne. Bonjour Mathieu. Vous venez nous parler aujourd'hui du roman La filière de Philippe Sands, publié aux éditions Albin Michel. Oui, Philippe Sands s'est fait connaître par Retour à Lemberg, qui était un livre magistral sur ses aïeux originaires de cette ville d'Ukraine. Et cette enquête, il la prolonge avec un livre également très fouillé sur Otto von Wachter, qui fut le gouverneur de Galicie, donc cette région, sous le Troisième Reich, et qui fut probablement responsable des malheurs survenus à sa famille. Et cet homme s'est mystérieusement volatilisé en 1945. De l'administration impitoyable de cette province à la création d'une unité SS, le cas Wachter n'est pas léger. Alors Sands, pour son enquête, commence par le commencement. Wachter, c'est d'abord sa famille, il est marié à Charlotte. Ils forment un couple à la fois uni et chahuté par les circonstances. Chahuté car à la faveur de ses affectations dans sa carrière, Otto multiplie les liaisons et Charlotte va se consoler comme elle peut. Elle s'entichera même de Hans Frank, le bourreau de la Pologne. Son journal personnel révèle surtout le caractère complexe d'une mère de famille devenue une parfaite nazie et qui ne dédaignera pas de décorer la demeure familiale d'œuvres d'art dérobées dans les musées de Cracovie. Alors, Wachter, qu'est-ce qu'il est devenu ? Bien, c'est pour répondre à cette question que Sand a entrepris un travail. Il multiplie les recherches, les consultations d'archives, les correspondances, les témoignages. C'est un limier hors pair qui tire les chevaux. Un simple détail et il se rend sur place, il rencontre des témoins ou des descendants. Par exemple, il va retrouver un complice de la fuite d'Otto à travers les montagnes d'Autriche où il vivra plusieurs mois. Ce complice, il s'appelle Bucco Rathmann, il a alors 92 ans et en 2017, il conserve un médaillon d'Hitler dans sa bibliothèque. Mais il va également chercher à élucider dans les archives du Vatican le rôle de l'Église catholique dans l'installation d'Otto à Rome sous un nom d'emprunt. On croise donc les traces d'un évêque célèbre, l'évêque autrichien Udal, qui était fameux pour avoir organisé des filières vers l'Amérique latine. Mais Sands travaille aussi sur les complicités américaines dont l'ancien dignitaire nazi aurait pu bénéficier dans la recomposition géopolitique de l'après-guerre. Alors que la menace soviétique pesait dans les rapports internationaux, fut créé le CIC, le Counter Intelligence Corps. C'était une agence américaine installée en Europe qui recrutait des hommes sûrs pour regarder leur passé, pour assurer l'avenir. Alors, ont-ils recruté Wachter ? Ce qui est avéré, c'est qu'il a travaillé comme figurant dans des films italiens. Incroyable mais vrai. Et Wachter est mort en 1949, assez subitement. A-t-il été empoisonné ? Certains aimeraient le croire, mais l'étude médicale que mène Sand semble refuser cette thèse par trop romanesque. Les salauds peuvent aussi mourir dans leur lit. Qu'est-ce qui est caractéristique, alors, selon vous, Étienne, dans ce livre ? Et c'est l'art du récit de Sands qui écrit son livre à la première personne. Il raconte les coulisses de son enquête, les circonstances des rencontres et des trouvailles. Il fait de ses interlocuteurs des personnages du livre, au même titre que Hitler ou Seyss-Inquart. Par exemple, joue un grand rôle dans ce récit Horst Wachter, le propre fils d'Otto, qui tout au long du livre est un allié en quelque sorte de Sands et parce qu'il espère recueillir des témoignages favorables à son père qui pourraient révéler une face inconnue, une humanité peut-être. En vain, il faut bien le dire. Ça donne donc un livre où il n'y a pas de révélation, pas de coup de théâtre, mais l'étude passionnante et minutieuse des péripéties d'une famille autrichienne happée par la grande machinerie nazie, puis jetée dans le maelstrom du monde de l'après-guerre. Merci beaucoup Étienne de Montetti. La filière de Philippe Sands est traduite de l'anglais par Astrid von Bukesicht. Pardon, elle est publiée chez Albin Michel. C'était la compagnie des œuvres, Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Cyrielle Weber, Valentin Bobinet. Demain, c'est à Beaubourg que nous poursuivons notre semaine Matisse en compagnie d'Aurélie Verdier.